Un après-midi de novembre 1963, il marchait entre les pâturages que des pluies continuelles avaient transformés en bourbiers. Dans les combes, des branches d'arbres émergeaient des eaux. Bientôt, il faudrait une barque pour aller de la maison au cabanon. Ce déluge lui rappelait un de ses passages favoris de Winnie l'ourson. Mais même le souvenir du livre bien-aimé de son enfance ne parvenait pas à l'égayer. Depuis qu'elle avait cessé de prendre les médicaments du docteur Fleib, Anne était redevenue comme avant. Pire qu'avant, car elle lui en voulait à mort. En sorte qu'il fallait à nouveau la subir au lieu de s'imaginer qu'il la sauvait. À la question de savoir si, dans ces conditions, mieux valait partir ou rester, le Yi King venait de lui donner une réponse peu engageante. Coût. Le travail sur ce qui est corrompu. L'hexagramme représente un plat dans lequel grouillent des vers. Cela ressemblait bien à son état d'esprit, à son mariage, à sa vie. La conclusion semblait s'imposer d'elle-même. Un plat de ce genre, si on a un minimum d'instinct de conservation, on donne un coup de pied dedans et on file à toutes jambes, avant d'avoir le cerveau définitivement liquéfié et de passer le reste de ses jours à regarder les vers s'entrebouffer. Sauf que, selon le Yi King, rien n'est définitif. Tout change. Les hexagrammes triomphants contiennent les germes du déclin, et les plus accablants, comme celui qu'il venait de tirer, ceux du renouveau. Cette stagnation, disait le commentaire, contient en même temps ce qui est nécessaire pour y mettre fin. Ce qui est corrompu par la faute des hommes peut être réparé par le travail des hommes. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. En d'autres termes, au lieu de fuir, de s'arracher au sable mouvant où Anne l'entraînait, il fallait essayer encore de sauver leur mariage. Peut-être la traversée des grandes eaux touchait-elle à sa fin. Ce serait trop stupide de lâcher prise juste avant, comme si Christophe Colomb, découragé, avait rebroussé chemin à quelques encablures de la côte d'Amérique. D'un autre côté, on peut, en s'obstinant dans une erreur, gâcher ou perdre sa vie, et rien ne permet de savoir si on va vers la terre ou la mort. Un oiseau cria au-dessus de lui. Un oiseau cria au-dessus de lui. Il leva les yeux. Il y avait un visage dans le ciel. Remplaçant le ciel. Un visage géant. Métallique. Horrible et qui, penché sur lui, le regardait. Épouvanté, il ferma les yeux. Ce qui subsistait de la vision derrière ses paupières n'était pas la forme du visage, mais son expression, incroyablement mauvaise, comme si tout le mal du monde s'était concentré là, dans le regard qui coulait des fentes entourant le nez ou la place où il y aurait dû avoir un nez. Il comprit que toute sa vie il avait eu peur de voir cela. Le masque à gaz de son père, qui l'effrayait tellement lorsqu'il était petit, annonçait cela. Et maintenant, voilà, il l'avait vu. Il ne l'oublierait plus jamais. Plus jamais il ne dormirait paisiblement. Lentement, il desserra les paupières. Comme il avait penché la tête vers le sol, il vit tout d'abord ses chaussures, ses grosses chaussures de l'armée, solidement enfoncées dans la terre détrempée. C'était un réconfort de les retrouver, lourdes et bien réelles. Il releva les yeux. Le visage était toujours là, le guettant. Il ne referma pas les yeux cette fois, mais ouvrit la bouche et essaya de parler. La voix qui sortit de lui et dit « Je n'ai pas peur, tu n'existes pas. » chevrotait. Il ne la reconnaissait pas, mais comme elle voulait bien articuler les mots qu'il avait décidés, il la força à poursuivre. « Tu n'existes pas. » Tu es une hallucination produite par mon cerveau. J'ai été trop malheureux ces derniers temps, trop de solitude, trop de chagrin, c'est pour cela. Mais tu n'existes pas. » Le visage parut ricaner. Il n'était que ricanement, mort et ricanement. Dick s'enfuit en courant. Il courut jusqu'à la maison sans s'arrêter, sans rencontrer personne, sans chercher à éviter les flaques dont la boue giclait sur ses vêtements, sans regarder le ciel au-dessus de lui, sans espérer que le visage n'y soit plus. Pendant plusieurs jours, le visage dans le ciel joua à cache-cache avec lui, disparaissant quand il rassemblait le courage de lever les yeux pour voir s'il était encore là, s'insinuant dans son champ de vision dès qu'il avait cessé de s'y attendre. Tout ce que peut capter l'œil, y compris les phosphènes sous les paupières, le contenait ou l'annonçait. À bout de nerfs, il se rendit à San Rafael pour consulter le docteur Fleib, qui lui demanda d'un air soupçonneux S'il n'avait pas pris par hasard de cette drogue hallucinogène dont il était de plus en plus souvent question dans les magazines. On parlait, cette information avait laissé le docteur particulièrement songeur, de cure à base de LSD, que les psychanalystes les plus chics de Los Angeles proposaient aux plus chics de leurs patients pour $200 la séance. L'acteur Cary Grant avait confié à Time Magazine qu'il s'y adonnait toutes les semaines depuis un an. Habitude qui avait changé du tout au tout sa façon de voir le monde et de jouer la comédie. Ce qu'apprenant, le docteur Fleib était allé voir son dernier film, Charade, en espérant remarquer le changement, et, de fait, quand on était prévenu, on le remarquait. L'engouement ne touchait pas seulement les doudingues d'Hollywood, mais les milieux académiques les plus respectables. Un professeur de Harvard venait d'être renvoyé de son poste pour avoir préconisé l'usage intensif de cette drogue à ses étudiants. Sous son empire, il disait avoir vécu des expériences bouleversantes. Dick haussa les épaules. Oui, il avait entendu parler de ça. Lu Huxley, qui tenait à peu près le même discours, mais il n'avait pas pris de LSD. Ce n'était pas le genre de choses qu'on se procurait à Point Reyes, et son expérience ne ressemblait certainement pas à celle du professeur de Harvard. Ou alors il comprenait mal le prosélytisme de celui-ci. S'il avait vu la même chose, ce visage monstrueux dans le ciel, cherchant qui dévorer, il n'aurait certainement pas poussé ses étudiants à le suivre. À moins d'être le dernier des salauds, un valet de Satan, oui, rabattant ses proies vers son maître. À y bien réfléchir, c'était d'ailleurs possible. Possible mais effroyable. Si ce Larry faisait vraiment ça, Adolf Hitler était un enfant de cœur comparé à lui. « Doucement, doucement !» dit le docteur Fleib, que son patient rendait de plus en plus nerveux. Croyant battre en retraite sur un terrain plus sûr, il expliqua l'hallucination par la fatigue, l'anxiété, l'internement d'âne. Mais Dick ne se laissa pas faire. Premièrement, il ne voyait rien de rassurant pour lui à ce qu'une telle horreur existe dans son cerveau plutôt que dans la réalité. Et donc, si l'argument visait à le tranquilliser, désolé, mais il tombait à côté. Deuxièmement, il savait fort bien ce qui lui était arrivé, et cela ne s'appelait pas une hallucination, c'était même le contraire. Pour toutes sortes de raisons, la fatigue, en effet, les amphétamines, le malheur et peut-être certaines dispositions intimes, le mécanisme psychique visant à filtrer la réalité avait grippé chez lui. L'écran qui la voile et permet de la supporter s'était déchiré. Il avait vu, et maintenant son problème était de survivre à cette vision. « Vous savez, » demanda-t-il, « ce que disait John Collier ?»« L'univers, c'est un type en train de verser de la bière dans un verre. Ça fait beaucoup de mousse, et notre monde à nous n'est qu'une bulle au milieu de cette mousse. Il arrive que certains, dans leur bulle, entrevoient le visage du type qui verse la bière. Et pour cela, rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà ce qui m'est arrivé. » « Vous voulez dire, » hasarda le docteur Fleib, « que vous avez vu Dieu ?» De San Rafael, il roula jusqu'à Inverness, où se trouvait l'église que fréquentait Maren Hackett. C'était une jolie construction de bois située au bord d'un fjord, et qui, bien que vouée au rite catholique, évoquait comme Maren des images de sévère quiétude nordique. Il entra, demanda à être entendu en confession. Le prêtre lui parut moins bouché que le psychiatre. Au moins écoutait-il ce qu'on lui disait. À plusieurs reprises, son visage se crispa douloureusement, comme s'il comprenait. Il ressemblait à un vieux chasseur qui a autrefois affronté un loup monstrueux et croit en avoir débarrassé le monde, jusqu'au jour où le récit d'un genou épouvanté lui fait comprendre que son adversaire est de retour et qu'il va une fois de plus falloir livrer combat. À la fin de la confession, il dit simplement « Vous avez rencontré Satan. » Ce diagnostic réconforta Dick. L'Église le prenait au sérieux, connaissait le problème. Mais elle s'en tirait à bon compte, pensa-t-il, en refusant d'envisager qu'il ait rencontré Dieu lui-même, que ce cauchemar soit Dieu, et non pas un sous-fifre maléfique. Le monde, après tout, était-il si bien fait qu'on puisse sans examen en attribuer le mérite à une divinité bienveillante? L'hypothèse, une fois formulé, accrut le chagrin du prêtre, mais ne l'étonna pas. Rien ne semblait pouvoir l'étonner. Le plus violent blasphème devait lui faire hocher la tête tristement, comme un symptôme alarmant mais banal à un médecin expérimenté. C'était agaçant, rassurant aussi. Il n'était plus seul face au visage de métal qui remplissait le ciel. D'autres, même sans le voir, savaient qu'il existait et prieraient avec lui, pour lui. La réaction d'Anne le surprit, lorsqu'il lui annonça son intention d'entrer dans le sein de l'Église catholique. Cléo aurait éclaté de rire, et tout Berkeley avec elle. Lui-même aurait éclaté de rire quelques mois plus tôt. Mais Anne fut émue. Elle le serra dans ses bras. Elle murmura qu'elle se ferait baptiser avec lui, et les filles aussi. Le malheur émousse le sens du ridicule. Il tourne vers Dieu. C'est même à cela qu'il sert, selon les chrétiens. Dick comprit qu'aux yeux d'Anne, cette conversation était une ultime tentative pour sauver leur mariage ou en supporter le naufrage. Il se promit de ne pas la gâcher. Pour se préparer au baptême, ils suivirent quelques cours de catéchisme. Ni l'un ni l'autre n'avaient reçu d'éducation religieuse. Mais l'ignorance plaisait davantage aux prêtres que les vagues et confuses notions théologiques de fil, toujours enclins à réhabiliter les hérésiarques et, avant même d'avoir lu les évangiles canoniques, à placer plus haut qu'eux les apocryphes. Les filles ne comprenaient pas bien le principe de la communion. Il les choquait. Quand Jésus exhortait à manger son corps et boire son sang, elles trouvaient cela affreux, comme une sorte de cannibalisme. Anne, pour les rassurer, dit qu'il s'agissait d'une image, un peu comme dans l'expression « boire les paroles de quelqu'un ». Mais Phil protesta. Ce n'était pas la peine de se faire catholique pour rationaliser platement tous les mystères. « Ce n'est pas non plus, répliqua Anne, la peine de se faire catholique pour traiter la religion comme une de tes histoires de science-fiction. » Précisément, dit Phil, j'allais y venir. Si on prend au sérieux ce que raconte le Nouveau Testament, on est obligé de croire que depuis un peu plus de 19 siècles, depuis le départ du Christ qui nous a laissé le Paraclet, l'humanité subit une sorte de mutation. Ça ne se voit peut-être pas, mais c'est comme ça. Si tu ne me crois pas, tu n'es pas chrétienne, voilà tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. J'y peux rien si ça ressemble en effet à une histoire de science-fiction. Le sacrement de l'Eucharistie est l'agent de cette mutation. Alors ne va pas le présenter à tes pauvres gamines comme une espèce de commémoration bêtasse. Écoutez-moi, les filles, je vais vous raconter l'histoire du chat et de l'entrecôte. C'est une maîtresse de maison qui reçoit à dîner et elle a posé une superbe entrecôte de 5 livres sur le buffet de la cuisine. Quand les invités arrivent, elle bavarde avec eux dans le salon, ils prennent un martini ou deux, puis elle s'excuse, file dans la cuisine pour aller préparer l'entrecôte, et s'aperçoit qu'elle a disparu. Qui voit-elle alors dans un coin, en train de se pourlécher tranquillement les babines? Le chat de la maison. Le chat a mangé l'entrecôte, dit la plus grande des filles avec solennité. Tu crois ça? Tu n'es pas bête, mais attends. Les invités accourent, ils discutent. Les 5 livres d'entrecôte se sont volatilisés, et le chat a l'air parfaitement satisfait et repu. « Pesons le chat !» suggère quelqu'un. Ils ont tous un peu bu et l'idée leur paraît excellente. Ils vont dans la salle de bain, placent le chat sur la bascule. Il pèse 5 livres. Tout le monde se presse autour de la bascule. Un invité dit « C'est bien ça, le comptinier ?» Ils sont certains de savoir ce qui s'est passé, maintenant qu'ils ont une preuve concrète. C'est alors qu'un autre invité, pris de scrupules, demande « Mais où est le chat ?» Noël arriva. Les pluies cessèrent. Le visage dans le ciel disparut. Sous le sapin, Phil et Anne s'offrirent mutuellement des ouvrages de piété. L'aînée des filles reçut une poupée Barbie équipée de diverses toilettes, d'accessoires de coiffure, de maquillage et d'un petit ami nommé Ken. Passé le premier réflexe de raillerie qu'inspiré à un ancien de Berkeley, ces représentations idéalement caricaturales du rêve américain, Barbie et Ken fascinèrent Dick. Il imaginait des archéologues du futur, ou des martiens, reconstituant notre civilisation à partir de ses seuls vestiges. Comme quiconque se penche sur une miniature, il ne se lassait pas des détails, de leur précision et de leurs lacunes. Le séchoir à cheveux de Barbie semblait plus sophistiqué, en somme plus réaliste que celui d'Anne. Son soutien-gorge s'agrafait comme un vrai, et ne se dégrafait pas plus facilement. Mais il contenait des 500 pointes, ni aréoles. Et si, profitant de ce qu'Anne avait le dos tourné, on s'enhardissait à baisser sa culotte, patatras, pas de poils, rien du tout. Les archéologues du futur pourraient toujours courir pour savoir comment les humains du XXe siècle se reproduisaient. Mais peut-être les archéologues du futur ne s'étonneraient-ils de rien, pour la raison qu'ils seraient exactement semblables à Ken et à Barbie. Ken et Barbie préfigureraient l'humanité de demain, vouée à nous remplacer, ou alors, pourquoi pas, ils étaient l'avant-garde d'une invasion extraterrestre. Ce thème le séduisait, mais il l'avait déjà beaucoup exploité, notamment dans une nouvelle écrite au lendemain d'un autre Noël, le premier qu'il avait passé avec Anne et ses filles. On y voyait des douaniers tester avec suspicion toute une batterie de jouets dont Ganymède prétendait inonder le marché terrien. Jouets pacifiques et éducatifs, en principe, mais, connaissant l'expansionnisme légendaire des Ganymédiens, on se méfiait. On redoutait une forme d'invasion bien vicieuse, comme ils en avaient mis au point pour conquérir, sans coup férir, d'autres planètes. Le plus simple, bien sûr, aurait été de refuser toute importation en provenance de Ganymède, mais la loi s'y opposait. Il fallut donc ouvrir l'œil, pour identifier un éventuel cheval de Troie. Sur 3 prototypes de jouets soumis au test, 2 cas paraissaient nets et un douteux. Pas besoin d'être grand clerc pour rejeter avec horreur une panoplie de cow-boys conçue de façon à brouiller l'apparence de celui qui l'a porté et favoriser le dédoublement de personnalité. Ni pour laisser passer une variante toute bête, même pas guerrière, du Monopoly. Mais il y avait aussi une bizarre citadelle livrée avec de petits robots soldats dont le rôle était apparemment de l'assiéger. Sauf que toutes les 3 heures, le pont-levis s'abaissait, un soldat s'approchait, le franchissait, le pont-levis se relevait et on ne revoyait plus le soldat. Impossible d'ouvrir la citadelle, mais on pouvait la peser et on constatait alors que son poids n'augmentait pas d'un milligramme, même après avoir avalé des dizaines de soldats. L'intérêt ludique et éducatif de ce système, à la fois complexe et sans finalité apparente, échappait. À quoi rimait-il? Où était le danger? À supposer qu'il y en eut un, mais quoi d'autre? On se demandait ce que pouvait bien contenir la mystérieuse citadelle, et, puisqu'il ne semblait pas y avoir d'autres termes au jeu, ce qui se passerait quand il ne resterait plus de soldats à engloutir. Pour le savoir, il fallait attendre, non sans une légère inquiétude, et pendant que les testeurs attendent, je propose de revenir à notre histoire à nous, 4 ans plus tard. Le résultat du test est révélé à la fin de ce chapitre. Dick eut une autre idée pour exploiter Barbie et Ken. Une idée martienne. Il avait déjà situé 2 ou 3 romans sur Mars, qu'il voyait comme une colonie particulièrement inhospitalière vers laquelle on émigre que contraint et forcé. Disséminés dans un désert sans faune plus attachante que des hordes de chacals télépathes, des clapiers souterrains abritent les malheureux colons qui croupissent dans l'ennui, la déréliction, une promiscuité avachie. On comprend que toute forme de divertissement, dans un sens pascalien élargi qui inclut la religion, soit dans de telles conditions bienvenue, et ouvre aux industries terriennes capables de les fournir des débouchés juteux. L'opium du peuple, sur Mars, ce sont les combinés poupées-pattes. Poupée Pat et son petit ami Walt, clones de Barbie et de Ken, sont censés vivre sur Terre, en Californie. On peut se procurer une quantité d'accessoires miniaturisés, aidant à représenter leur enviable existence avec le maximum de réalisme. Une fois acquis les éléments de base, maison, jardin, automobile, maillot de bain sexy, tondeuse à gazon, les habitants des clapiers, encouragés dans cette fièvre de consommation par un couple de disques jockeys planétaires à la solde des combinés, ne cessent d'étendre et d'améliorer l'univers de leurs poupées. Rue voisine, cafétéria, salon de coiffure, ex-copine de collège avec qui papoter, centre commercial, plage bordée de palmiers, psychanalyste livré avec son cabinet comportant divan, pipe, œuvre de Freud reliée, un article superbe, très demandé. Officiellement, les colons sont supposés ressentir un bien-être sans égal à faire jouer le système d'ouverture automatique dont ils ont à grands frais muni leur garage miniature. Ou, conduisant Poupée Pat en ville au volant de sa nouvelle Ford décapotable, à lui faire glisser dans le parc-mètre miniature une pièce d'$1 miniature, achetée $10, car la miniaturisation et le transport reviennent chers. En fait, ils ne sont pas idiots, et ne se croient pas davantage transportés sur Terre par ces jeux puérils que les petits blancs des romans coloniaux ne retrouvent leur Paris natal en reniflant un vieux ticket de métro. Mais les combinés Poupée Pat ne sont que la couverture légale d'un trafic illicite, bien que toléré. La société de Léo Boulero, qui les commercialise, vend avec eux une drogue. Un lichen d'origine ganymédienne, appelé délice, qui procure à ses usagers l'illusion d'être réellement Pat et Walt, de quitter pour ces corps glorieux leur pauvre corps misérable, pendant que ceux-ci gisent dans un coin de leur sordide clapier martien, inerte, les doigts crispés sur une poupée de plastique dépourvue de poils pubiens, l'esprit s'échappe, s'envole. Il n'a, dans le pire des cas, qu'un vague souvenir de la personnalité qu'il habitait. Quelque chose comme l'intuition que nous pouvons avoir d'une incarnation antérieure. Délivré de cette chrysalide, il peut, sous l'identité gratifiante de Pat ou de Walt, connaître avec ses partenaires des expériences illimitées, qu'aucune morale ne censure. L'adultère, l'inceste, le meurtre ne peuvent être entravés davantage qu'en rêve ou en l'état de pur désir. Seulement, il s'agit de rêves partagés, de désirs actualisés dans une autre dimension. Mieux, ou pis, lorsqu'on prend la drogue à plusieurs, on se retrouve à plusieurs dans le même corps, dont on partage les sensations. Ainsi, dans une des premières scènes du livre que Dick écrivit cet hiver-là, voit-on 6 personnes, habitant le même clapier, participer au langoureux baiser qu'échangent Walt et Pat sur une plage ensoleillée. Leurs 2 corps bronzés abritent 6 personnes, 2 dans 6, 6 en 2, l'éternel mystère. Confrontés à ce mystère de la translation, chaque fois qu'ils prennent du délice, les colons se séparent en croyants et incroyants. Pour ces derniers, les combinés ne sont qu'une représentation symbolique de l'univers d'où ils ont été exilés, et l'identification à Pat ou Walt, une illusion qui aide à tenir le coup. Les premiers, en revanche, réputent réel l'instant sacré où les éléments miniaturisés du combiné cessent de représenter la Terre pour devenir la Terre. L'Eucharistie n'est-elle qu'un mémorial, ou bien suscite-t-elle la présence réelle du Sauveur? Quelques semaines plus tôt, Dick aurait considéré cette question comme le prétexte d'une controverse amusante, une ligne de partage entre 2 familles d'esprit. Mais il se demandait autre chose, cet hiver, en tremblant. Que se passerait-il si la présence réelle était celle de l'être qu'il avait vu dans le ciel, et dont il n'aimait pas vérifier trop souvent qu'il ne s'y trouvait plus? Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Qu'arrivait-il à ceux qui, sans penser à mal, mangeraient la chair et boiraient le sang de Palmer Eldritch ?